dans une ombre étendue. Près d'une eau coulant continuellement. Et des fruits abondants. Ni interrompu, ni défendu. Sur des lits surélevés. إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً C'est nous qui les avons créés à la perfection. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبَكَارًا Et nous les avons faites vierges. عُرُبًا أَتْرَابًا Gracieuses, toutes de même âge. لأصحاب اليمين. Pour les gens de la droite. ثلة من الأولين. Une multitude d'élus parmi les premières générations. وثلة من الآخرين. Et une multitude d'élus parmi les dernières générations. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche؟ في سموم وحميم. Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante. وظل من يحموم. À l'ombre d'une fumée noire. لا بارد ولا كريم. Ni fraîche ni douce. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. Ils vivaient auparavant dans le luxe. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. Ils persistaient dans le grand péché, le polythéisme. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. Et disaient, quand nous mourrons et serons poussières et ossements, serons-nous ressuscités? أوآباؤنا الأولون. Ainsi que nos anciens ancêtres. قل إن الأولين والآخرين. Dis, en vérité, les premiers et les derniers. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. Seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. Et puis vous, les égarés qui traitiez la résurrection de mensonge. لآكلون من شجر من زقوم. Vous mangerez certainement d'un arbre de zakoum. فمالئون منها البطون. Vous vous en remplirez le ventre. فشاربون عليه من الحميم. Puis vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante. فشاربون شرب الهيم. Vous en boirez comme boivent les chameaux assoiffés. هذا نزلهم يوم الدين. Voilà le repas d'accueil qui leur sera servi au jour de la rétribution. C'est nous qui vous avons créé. Pourquoi ne croiriez-vous donc pas à la résurrection ? Voyez-vous donc ce que vous éjaculez ? أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ Est-ce vous qui le créez ou en sommes-nous le créateur؟